Non, oui, le cassoulet plus le show de Bruxelles. Et oui, on l'a tous deviné, c'est JB. Ouais. D'ailleurs, show de Bruxelles pizza, oignon, waib. Et dans la foulée, le foie de veau, le rôti de bœuf, plus les pâtes, plus les patates, et là, et l'oignon. Le grand, l'unique, le tsar. Et bien sûr Pascal, qui mange un peu de pouce et qui pue des culs comme tout le monde.